Les amours du chevalier de Faublas par Louvet de Couvray, quatrième partie, chapitre 34e. Nous partîmes. Je donnai quelques louis au postillon qui nous conduisit à la croix Saint-Ouen, où la comtesse l'avait pris, et qui promit de ne rien dire de tout ce qu'il avait vu. Madame Lignolle aussi crut devoir acheter la discrétion de son laquais la fleur, qu'elle s'était vue forcée de faire le compagnon de son voyage et par conséquent le confident de nos amours. Ma jeune amie cependant m'accablait de caresses que je lui rendais, de reproches que je ne méritais plus, et de questions auxquelles il m'était impossible de répondre. En vain je lui représentais qu'il devait lui suffire que son amant ne fût ni mort, ni blessé, ni forcé de la quitter en quittant son pays. Elle n'était pas contente du secret auquel m'obligeait cette parole d'honneur que je ne devais pas donner, disait-elle. La conversation tomba naturellement sur le vicomte de Florville. « Il est fort aimable, ce jeune homme, » s'écria la comtesse, qui paraissait observer curieusement l'impression que ses discours faisaient sur moi. « Fort aimable. Il a des grâces. »« Beaucoup. » »« De la tournure. »« Vraiment. » »« Une très jolie figure. »« Très jolie. » »« Une voix douce comme toi. » »« Oui. » Ainsi, je ne parlais que par monosyllabes, de peur de trop parler, et j'affectais beaucoup d'indifférence afin d'éloigner toute espèce de soupçon. « Voulez-vous bien me répondre autrement ?» s'écria Madame de Lignolle. « Qu'y a-t-il donc ? Il y a que votre sang-froid me désespère. »« Mon sang-froid ? Oui. J'ai l'air d'avoir remarqué ce jeune homme. J'en dis beaucoup de bien. Tout cela ne vous émeut seulement pas. »« Je ne vois pas ce qui pourrait me fâcher. »« C'est de quoi je me plains ? Vous ne témoignez point la moindre inquiétude. »« C'est qu'en vérité, mon ami, je n'en puis prendre aucune, » lui répliquai-je en riant. « Pourquoi cela, monsieur ? « Pourquoi n'auriez-vous pas un peu de jalousie ? J'en ai bien, moi. »« Éléonore, je te répète que le vicomte ne peut m'alarmer. »« Ne riez pas, monsieur. Je n'aime pas qu'on rie quand je parle raison. »« Dites-moi, s'il vous plaît, pourquoi le vicomte ?»« Pourquoi ? Mais parce que c'est un enfant. »« Et vous ? Ne dirait-on pas que vous êtes vieux ? Et puis ma sécurité se fonde sur l'estime que tu m'inspires. »« L'estime, l'estime, pas tant d'estime, monsieur, et plus d'amour. » Je l'ai souvent entendu dire dans le temps que je n'y comprenais rien, et maintenant que je m'y connais, je sens que cela est trop vrai. On est bien amoureux que lorsqu'on est bien jaloux. Devenez jaloux si vous voulez me plaire. Soyez donc contente, madame. Je vous avoue que je n'étais pas tranquille pendant que vous examiniez le vicomte avec une attention. Voilà, interrompit-elle en m'embrassant. Voilà ce que j'appelle parler. Voilà ce qu'il fallait dire tout de suite. Cependant, nous avancions. Du côté de Paris, il est vrai, ma Sophie, mais, console-toi, c'était aussi du côté de Fromonville. Sophie, j'allais encore chercher dans la maison de ta rivale une de ces nuits que je trouvais si courtes, mais pardonne. Bah, je songeais moins au plaisir de la nuit prochaine qu'aux délices du jour qui devait lui succéder, de ce jour où, dans les bras de ma femme, je pourrais goûter enfin le suprême bonheur depuis si longtemps désiré. Réjouis-toi, ma Sophie. Il est vrai que, dans ce moment même, je reçois un baiser de Madame de Lignolle. Il est vrai que cette douce faveur est la récompense d'un soupir qu'Éléonore vient de surprendre. Mais, ô ma Sophie, réjouis-toi, ce soupir si tendre, il ne m'était pas échappé pour elle. Nous quittâmes la poste au Bourget, à ce même village où j'avais envoyé Jasmin. Les chevaux de la comtesse y étaient restés dans une auberge. Nous les reprîmes. Ils nous eurent bientôt ramenés dans Paris. On conçoit que Faublas, maintenant vêtu comme il lui convenait de l'être toujours, ne pouvait, sans avoir auparavant changé d'habit, aller chez Madame de Lignolle représenter Mademoiselle de Brumont. Ce fut donc chez Madame de Fontrose que nous prîmes le parti de descendre. « Cruels enfants ! » dit la baronne. « D'où venez-vous donc ? » ?»« Nous mourons de faim, » répondit la comtesse. « Fais-nous donner à souper. » Pendant que nous commencions à dépecer la poularde qu'on venait d'apporter, Madame de Fontrose disait à Madame de Lignolle : « Je me suis rendu chez vous à l'heure du dîner. » On m'a beaucoup inquiété en m'apprenant que, désespéré de la fuite de Mademoiselle de Bramont, vous veniez de sortir pour l'aller chercher. Il y avait déjà quelques heures, poursuivit-elle, en s'adressant à moi, que M. de Bellecour, accompagné de Mademoiselle de Faublas, était venu me faire une courte visite. Tous deux partaient pour Fromonville, persuadés que vous étiez allé vous battre. Ils n'imaginaient pas qu'un intérêt moins cher que celui de l'honneur pût vous empêcher de courir avec eux, vous jeter aux pieds de votre épouse. Tous deux tremblent pour vous. Tous deux, je ne puis vous le dissimuler, seront en proie aux plus mortelles inquiétudes si vous ne les avez point rejoints avant le milieu du jour qui va bientôt paraître. Déjà, la comtesse ne songeait plus à son repas à peine commencé. Elle interrompit la baronne pour lui déclarer qu'elle ne souffrirait pas que je la quittasse, et elle ajouta qu'il lui paraissait très étonnant que Madame de Fontrose, qui se prétendait son amie, se permît de donner en sa présence même de tels conseils à son amant. La baronne ne fut point embarrassée de se justifier. « Si vous adorez le fils, dit-elle, j'aime le père. Monsieur de Bellecour ne me pardonnerait pas d'avoir contribué, dans une circonstance aussi grave, à tenir son fils éloigné de lui. D'ailleurs, ma chère enfant, qu'exigez-vous du chevalier? Qu'il viole inutilement toutes les bienséances? Je suis loin de lui conseiller une infamie. Je ne lui dis pas de vous abandonner, mais d'aller trouver Sophie, de la ramener, et de faire ensuite comme les gens du monde, comme les meilleurs maris, qui savent concilier l'amour qu'ils ont pour leur maîtresse et les bons procédés qu'ils doivent à leur femme. Sa femme? Que m'importe sa femme? Répondit la comtesse, qui n'avait opposé jusqu'alors aux prudents avis de la baronne que des cris, des pleurs et mille exclamations déraisonnables. Que vous importe? Répliqua Madame de Fontrose. Eh, mais comptez-vous retenir le chevalier, malgré les gémissements de sa veuve, qui ne manquera pas de réclamer en criant au scandale, malgré l'intarissable bavardage de votre sempiternelle tante, qui viendra chaque matin vous radoter ses gothiques principes, malgré le fameux capitaine Lignol, capable de laisser ses flibustiers pour accourir en poste, vous épouvanter de sa large moustache et de sa longue épée, malgré le public aussi, le public jaloux, inconséquent, indiscret, qui va sans cesse ébruitant les folies qu'il devrait taire et ressuscitant les scandales qu'il faudrait ensevelir, le public qui, ne respectant personne et se respectant pas lui-même, ridiculise les maris qu'il plaint, protège les femmes qu'il blâme et condamne sévèrement les fautes dont pourtant il amuse journellement et nourrit sa malignité. Enfin, malgré le baron qui... Malgré tout l'univers, madame. Quelle réponse? Avez-vous perdu l'esprit? Ou croyez-vous que j'exagère? Monsieur de Bellecour, dont j'allais vous parler, vous ne le connaissez pas. Il est homme, si vous le poussez un peu, à venir reprendre son fils jusque dans votre chambre à coucher. Et moi, si l'on ne craint pas non plus de me porter aux dernières extrémités, que ferez-vous? Je me tuerai. La belle ressource, je vous plains. Je vous plains puisque vous ne sentez pas qu'il vaut mieux faire un moment le sacrifice d'un bien précieux pour le retrouver ensuite et le posséder sans obstacle que de s'exposer, en le gardant quelques jours de trop, à mourir du regret de sa perte. Madame de Fontrose parlait encore et parlait vainement quand nous entendîmes un carrosse entrer dans sa cour. Ce ne pouvait être que celui de monsieur de Lignol. J'eus le temps d'embrasser mon ami, de saisir un membre de la volaille et de me sauver dans le cabinet de toilette de la baronne. Un moment après, j'entendis le comte souhaiter le bonsoir à ces dames, étonné de ce que sa femme, qui mangeait rarement en ville, n'était pas de retour à 3 heures du matin. Il avait deviné qu'elle soupait chez la baronne et qu'elle s'y trouvait indisposée. Il lui demanda si elle avait pu rejoindre mademoiselle de Brumont dans la journée. « Oui, monsieur, » répondit la comtesse, « et j'espère qu'elle reviendra chez moi. » « Elle y reviendra certainement, » interrompit-il, « parce que je l'ai fait promettre à son père. En attendant, comtesse, songez qu'il est tard. Acceptez une place dans ma voiture et venez. »« Bien obligé, » répliqua-t-elle sèchement, « je ne compte pas rentrer avant le jour. » J'aurais pu facilement écouter la fin de cette conversation qui me touchait d'assez près. Sophie, des intérêts plus chers, occupe déjà ma pensée. Quiconque me lit avec attention doit se souvenir qu'il y a peu de temps, une jolie femme de chambre m'a coiffé précisément dans ce cabinet où je me trouve. Il doit se souvenir que, pressé ce jour-là, du désir de revoir la comtesse et d'échapper au baron, je me suis fait conduire par un escalier secret dans la cour de Madame de Fontrose. Maintenant, au contraire, pour rejoindre mon père et fuir ma maîtresse, je cherche à tâtons le même chemin dans cette partie de la maison dont je connais un peu les êtres. Me voilà sur l'escalier dérobé, puis dans la cour et bientôt dans la rue. Plein d'une tendre sollicitude, M. de Bellecour avait deviné ce que tout autre qu'un père n'eût pu prévoir. Comme il n'était pas impossible, avait-il dit en partant, que des raisons particulières me forçassent à repasser la capitale, le Suisse devait veiller toute la nuit pour m'attendre et mon domestique me tenir une chaise de poste toute prête. On aimait trop le baron et son fils pour oublier ses ordres de l'un et les intérêts de l'autre. En arrivant à l'hôtel, je n'eus qu'à monter en voiture, et mon fidèle Jasmin voulut absolument courir devant moi. Aussi, je trouvai à chaque poste des chevaux tout préparés. Les postillons, grâce à mes prodigalités, ne se plaignaient pas d'avoir été réveillés trop tôt. il m'appelait Monseigneur, et nous allions comme si nous eussions eu des ailes. L'aurore vint, qui me promit le plus beau jour. Voilà cette route si péniblement parcourue, la surveille, dans un sens contraire. Quel heureux changement 36 heures ont apporté dans ma situation. Je ne vais point sous un ciel étranger regretter ma patrie. Je n'emporte pas le remords d'avoir immolé tel ennemi qui me poursuivait de sa juste vengeance. C'est à Fromonville que mon père, tout à l'heure assuré, me pressera sur son sein. C'est là que tout à l'heure, ma femme consolée. Nous n'arrivons jamais. Va donc, postillon. Tout à l'heure, je la couvrirai de mes baisers. J'embrasserai ses genoux. Je solliciterai le prix de ma tendresse extrême. Il est vrai qu'Adélaïde sera là. Ne pourrons-nous pas la renvoyer, Adélaïde? Quoi? Faudrait-il différer jusqu'à la nuit? Un siècle d'attente? Mais la nuit, la nuit! Jamais je n'aurais passé de plus délicieuse. Que ces rosses me traînent lentement. Postillon, va donc. La voiture, mille fois maudite, roule encore pendant 7 mortelles heures. Enfin, je vois le pont de Montcourt, et sur la route de Fromonville, 2 personnes chéries. Bientôt, je reçois leurs embrassements et je partage leur joie. L'une me demande si je n'ai pas reçu de coups dangereux, l'autre s'il faut encore sortir de France. Non, ma chère Adélaïde, je ne suis pas blessée. Non, mon père, nous ne quitterons pas notre patrie. Mais courons, je vous prie. Que je vous dois de remerciements. Vous avez pu la quitter pour aller au-devant de moi. Venez, volons, présentez-lui son époux, soyez témoin. Quoi, mon père? Vous baissez les yeux, d'un air consterné? Quoi, ma sœur, vous pleurez? C'en est fait. Sophie, l'absence, l'abandon, elle n'a pas pu résister. Elle n'est plus. Elle respire, s'écrie le baron, mais... Elle vous aime, interrompit ma sœur, mais... Je vous entends. C'est donc pour la 3e fois que son tyran me la ravit. Tous deux ne me répondent que par le silence. Tous deux, attentifs à prévenir l'effet d'un premier mouvement, empêchent que mon désespoir ne me coûte la vie. Monsieur de Bellecour se saisit de mes pistolets et de mon épée. Adélaïde avance un bras tremblant pour soutenir son frère, qu'elle voit pâlir et chanceler. Ma chère amie, tu n'es pas assez forte. Faublas vient de tomber presque mourant sur ce gazon que la surveille l'effleurait à peine, quand, pour suivre une maîtresse, abandonnée maintenant, il fuyait d'un pas rapide sa femme, aujourd'hui vainement regrettée. Adélaïde, je t'en conjure, prends pitié de ton frère. Mon père, laissez-moi mourir. Mon père, sais-toi au moins ce qu'elle est devenue? Sait-on sur quelle route son ravisseur la traîne? Vous ne répondez rien. Il est donc vrai que je l'ai tout à fait perdue? Qu'aucun espoir ne me reste. Maintenant, un long intervalle nous sépare. Avant-hier, je l'ai vue là-bas, ma sœur. Le ravisseur de Sophie? Est-ce possible qu'un père soit à ce point dénaturé? Le barbare. Que reproche-t-il encore à son adorable et malheureuse fille? De quelle faute m'accuse-t-il? Que n'ai réparé mon hymen? De quel crime? Que mes revers n'aient expié? Pourquoi veut-il que 2 époux amants périssent consumés de leurs vains désirs? Pourquoi veut-il précipiter ses 2 enfants dans le même tombeau? Oh, mon père, mon père! Cette fois, dit-il, du portail ne s'est point éloigné de nous, sans m'instruire de ses motifs et de ses résolutions. Une lettre qu'il a laissée pour moi. Une lettre? Voyons, voyons donc. Mon ami, commençons par gagner le prochain village. Nous entrâmes dans une auberge de Montcourt. Le baron voulait lire lui-même la lettre de mon beau-père, mais obligé de céder à mes instances, il me la confia. Puisque votre fils vient de découvrir encore ma retraite, puisqu'il s'obstine à poursuivre partout ses victimes, il faut, monsieur le baron, que je vous instruise enfin de tous les malheurs de ma fille. Il faut que je vous apprenne des horreurs. Vous savez dans quel piège presque inévitable Sophie fut tirée. Vous n'oublierez jamais en quel lieu et comment l'infortuné Lovzinski retrouva sa Dorliska si désirée. Sa Dorliska, moins digne de blâme que de pitié, même au sein du crime. Baron, l'enlèvement de cette enfant malheureuse, autant que responsable, n'était pas le plus grand des forfaits de votre indigne fils. Le jour que je lui donnais son amante, à l'instant même où tout se préparait pour leur union, j'entends, dans la principale rue de Luxembourg, un étranger demander le chevalier de Faublas. Et malgré son travestissement nouveau, je reconnais celle qui la première forma votre fils dans l'art détestable de corrompre les femmes et de tromper les maris. Elle accourait, comme ils en étaient sans doute convenus ensemble, rejoindre au lieu de son exil le meurtrier de son époux. « Grand Dieu, mon père, je vous jure qu'il n'en est rien. J'ignorais que la marquise dut me suivre au Luxembourg. J'ignorais... »« J'ai mal pensé, mon ami. Je ne puis vous croire capable des noirceurs que Duportail a si promptement supposées. Mais il est père, et père malheureux. Nous devons l'excuser, le plaindre, nous efforcer de le trouver et de le fléchir. Continuez. » À cette apparition fatale, je pressens tous les malheurs qui menacent Mador Liska. Je ne vois qu'un moyen de l'arracher au pressant danger d'un opprobre et d'un abandon public. Et cependant, j'arrive au temple, ne sachant encore si je dois me hâter de prendre un parti qui me semble extrême. Une audacieuse rivale qui ne respecte rien, que rien n'étonne, paraît presque en même temps que nous à l'autel de l'Hyménée. La sacrilège qu'elle est, c'est à la face du dieu qui reçoit les serments des époux qu'elle vient sommer celui-ci de violer tous les siens. Cependant, qu'espérait-il votre cruel fils, le digne élève d'une femme sans pudeur, le lâche suborneur d'une fille sans défense? Qu'espérait-il quand il arrachait l'une à la respectable retraite que ses vertus embellissaient, quand il obtenait de l'autre l'éclatant sacrifice d'un monde corrompu dont elle était l'idole? Ce qu'il espérait, se donner en spectacle à toute l'Europe, s'enivrer de la gloire de traîner, enchaîner au même char, une fille séduite, une femme adultère, associer ses deux maîtresses à de semblables plaisirs, à une ignominie pareille, promener de contrée en contrée Mademoiselle de Pontis, partageant un amant banal et le mépris public avec la marquise de B. Mademoiselle de Pontis partageant le mépris public avec la marquise de B. Ah, mon père, quelle imposture! Ma sœur, quel blasphème! Tels étaient ces desseins que j'ai prévenus, que j'ai renversés. Grâce à ma vigilance, Dorliska fut sauvée. Mais les événements ont d'ailleurs justifié tous mes soupçons. Jamais on a su bien précisément ce que la marquise était devenue pendant les 6 semaines que votre fils a passé dans les environs du Luxembourg. Sans doute ils y vivaient ensemble. « Est-ce vrai cela ?» me dit Adélaïde. « Ma sœur, il est vrai que Madame de B venait me voir de temps en temps, mais je ne savais pas que c'était elle qui me rendait visite. Comment ne le saviez-vous pas, mon frère ?»« Mon ami, voilà ce que je ne puis t'expliquer, ce serait trop long. » « Je ne suis pas contente de cette réponse, » répliqua-t-elle, « je la trouve obscure. Ce qui me fâche davantage, c'est que Monsieur Duportail ait quelquefois raison quand il vous fait de tels reproches. Cela prouve que vous avez réellement tort avec ma bonne amie. Je vous impatiente, mon frère. Eh bien, voyons, finissez. » Chacun la vit effrontément reparaître à la cour quelques jours après le retour de son amant dans la capitale. Et si toutes ces intrigues ne purent empêcher que le chevalier ne fût mis en prison, personne du moins n'ignore que c'est en se prostituant qu'elle vient de l'en faire sortir. Quel usage a-t-il fait de sa liberté? Sophie ne revenant pas, il a fallu qu'une autre prît sa place. Le chevalier de Faublas n'est pas homme à se contenter d'une seule conquête. 2 victimes à la fois, 2 victimes au moins lui sont nécessaires. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'après avoir tout récemment découvert ma retraite, il est jugé convenable d'y venir montrer à Sophie la nouvelle rivale qu'il lui préfère. Cette inconcevable démarche, dont je ne devine point les motifs, renferme apparemment quelque autre mystère d'iniquité que l'avenir découvrira. Quelle est cette jeune personne près de laquelle j'ai reconnu votre fils sous des habits trompeurs? Une fille simple que son innocence ne pourra sauver, ou une femme sans expérience, dont il va corrompre les vertus naissantes? Quel est cet homme d'âge mûr qui les accompagnait? Un époux malheureux qu'il couvrira de ridicule et d'opprobre, ou un père confiant dont il trahira l'amitié? « Baron, vous êtes père aussi, mais vous paraissez ne vouloir jamais vous en souvenir. Je ne garderai point avec vous de 20 ménagements. Je vous parlerai sans détour. Votre indulgence est inexcusable. Mon ami, craignez d'être bientôt réduit à pleurer en larmes de sang. Craignez que le ciel, enfin lassé, ne punisse en même temps les désordres du fils et l'excessive faiblesse du père. Craignez qu'un jour, dans sa colère, il envoie un vengeur à ma fille et à la vôtre un séducteur. Un vengeur à sa fille ? Duportail, je le verrai, ce vengeur que vous m'annoncez. Duportail, s'il tarde trop à venir, Faublas l'ira chercher. Calmez-vous, s'écria le baron. Tout à l'heure, vous promettiez. Quoi, monsieur, non content de me menacer indirectement, il ose encore insulter ma sœur, un séducteur à ma chère Adélaïde. Voyez, mon ami, combien les passions peuvent nous rendre inconséquents et cruels. La seule idée qu'Adélaïde puisse être séduite met son frère en fureur. Il ne la pardonne point à celui dont la fille, pleine d'amour pour la vertu, fut entraîné aux plus condamnables excès d'un amour criminel. Faublas, pour un soupçon qu'il trouve injurieux, parle de s'armer contre son beau-père. Et pourtant, à Luxembourg, Lobzinski ne songea point à venger sur un étranger ravisseur les égarements de sa Dorliska. Permettez, mon père, que je sache enfin ses résolutions. Que mon exemple au moins vous soit un avertissement utile. Je contribuai moi-même aux égarements du chevalier, et quoique j'en eusse été le complice involontaire, je ne tardais pas à m'en voir puni. Tous les maux qui m'accablent me sont venus de cet ingrat jeune homme et de sa fatale maîtresse dont je vis tranquillement les criminels amours. Baron, je vous ai rendu compte de mes trop justes motifs. Il ne me reste plus qu'à vous apprendre mes résolutions irrévocables. De l'impénétrable retraite où je me réfugie, j'aurai toujours les yeux ouverts sur mon persécuteur. Ma Dorliska m'est infiniment chère. J'adore en elle la vivante image d'une épouse tous les jours regrettée. Jugez si je ne souhaite pas ardemment son bonheur. Ah, qu'avec transport j'immolerai à ses plus chers désirs le ressentiment de mes propres injures. Mais celui qui séduisit son amante n'obtiendra sa femme qu'après l'avoir méritée, et quiconque abusa la jeunesse de Sophie ne trompera pas mon expérience. Que le chevalier n'essaie donc point de me donner le change. J'ai trop appris à le connaître, j'ai trop appris à redouter son artificieuse maîtresse pour m'arrêter jamais aux simples apparences. En vain prendrait-il maintenant la peine d'afficher les bonnes mœurs, je ne verrai dans sa conduite que de l'hypocrisie tant que la marquise vivra dans le monde. Baron, je vous en donne ma parole d'honneur, Faublas, fût-il entièrement revenu de ses égarements, ne verra Sophie qu'après que le ciel aura, dans sa justice, ordonné l'emprisonnement ou la mort de Madame de B. Je suis, avec une estime que les torts de votre fils n'ont point altérée, monsieur le baron, votre ami, le comte Lobzinski. L'étonnement, l'inquiétude, le désespoir même m'avaient soutenu pendant cette longue et cruelle lecture. Après l'avoir achevée, je recueillis toutes mes forces pour demander à monsieur de Bellecour jusqu'où ma femme avait été suivie, et dès qu'il m'eut appris qu'on avait perdu ses traces à la croisière, je me trouvais mal. Cet évanouissement dura peu. Je me ranimai par les soins de ma sœur, je repris courage à la voix de mon père. Mon père, me flattant d'une espérance que peut-être il n'avait pas, me pressait de commencer moi-même, avec ma sœur et lui, des recherches qui seraient, disait-il, plus heureuses. Tandis qu'il me parlait, un papier tombé presque sous mes pieds à côté de ma chaise attirait toute mon attention. C'était la lettre de mon beau-père que le baron, tout occupé de mon état, avait oublié de reprendre. Je songeais à m'en emparer sans qu'il en vît rien. J'y réussis avec assez de bonheur, et je me sentis plus content que si j'eusse acquis le plus rare trésor. Elle était affreuse, cette lettre, mais elle était injuste. Je m'y trouvais bien maltraité, mais à chaque ligne, on me parlait de Sophie. Cet écrit si cruel et si cher, je le repris donc. Ah, Faublas, ah, malheureux, où devais-tu le perdre et le retrouver? Cependant, un accident imprévu menaçait de nous retenir à Montcourt. Comme nous venions de monter tous trois en voiture, pour aller du moins jusqu'à ce village de la croisière, Adélaïde, trop délicate pour supporter en même temps et les fatigues d'une longue route et les chagrins de son frère et ses propres agitations, ma chère Adélaïde se sentit fort indisposée. « Mon père, ces clochers que vous voyez d'ici, je les reconnais. Ce sont les clochers de Nemours. Il nous faut tout au plus 20 minutes pour arriver dans cette ville. » Où nous trouverons tous les secours dont ma sœur peut avoir besoin. Nous allâmes y descendre dans une auberge. Il y avait à peine un quart d'heure que nous y donnions nos soins à notre chère Adélaïde, qui paraissait très incommodée, lorsqu'un courrier vint me demander. Il me remit un billet écrit d'une main inconnue et conçu dans ces termes. Monsieur le chevalier est averti, de la part du vicomte de Florville, que monsieur du Portail, qui sur le soir d'avant-hier avait quitté la poste à la croisière, l'a cependant reprise à Montargis au milieu de la nuit suivante. « Venez, mon père, courons, volons !»« Votre sœur, me dit-il, est-elle en état de nous suivre? Et puis-je laisser dans une auberge ma fille seule et malade ?»« Vous avez raison, que je suis moi-même fâché de la quitter. Cependant, mon père, un intérêt si pressant m'appelle. Permettez-moi de partir sur le champ. Que mon domestique seulement m'accompagne. Vous avez mes pistolets et mon épée, donnez-les à Jasmin. Défendez-lui de me les confier. Vos ordres seront respectés. » Croyez pourtant que cette précaution est bien inutile. Rendez-moi mes armes, et soyez tranquille, je ne m'en servirai ni contre moi, ni contre le père de Sophie. Ne craignez rien de ma vivacité, si je le rencontre. Si je ne le rencontre pas, ne craignez rien de mon désespoir. L'époux de Sophie ne l'obtiendra de Duportail que par une prompte justification, par des prières, s'il le faut, par des larmes. Je renonce à tout autre moyen. Votre fils, soit qu'il ne puisse rejoindre son beau-père, soit qu'il le trouve toujours injuste, toujours inflexible, votre fils, dût-il être à jamais le plus malheureux des amants, vivra du moins pour sa sœur et pour vous. Monsieur le baron, Faublas le promet à son père. Le chevalier le jure, foi de gentilhomme. Monsieur de Bellecour, combattu de plusieurs inquiétudes, ne put aussi promptement que je l'aurais désiré se résoudre à prendre un parti. Peut-être il était effrayé du danger de livrer à lui-même un jeune homme impétueux que de nouvelles adversités semblaient devoir éprouver encore. Mais sans doute il fut enfin déterminé par la crainte plus grande des excès auxquels pouvait me porter ma douloureuse impatience s'il s'obstinait à me retenir près de lui. Il ne m'accorda néanmoins la permission aussi vivement sollicitée qu'après m'avoir fait répéter plusieurs fois que si j'avais le bonheur de faire quelque découverte, je l'en instruirais aussitôt, qu'au contraire, je me hâterais de revenir près de lui dès qu'il deviendrait probable que de plus longues recherches seraient inutiles et qu'enfin, dans tous les cas, je ne laisserai point passer un seul jour sans lui donner de mes nouvelles. Adieu, ma sœur, ma chère Adélaïde, adieu. Bah, je suis désolé de te laisser dans l'état où je te vois. Mon père, vous aurez la bonté de m'envoyer son bulletin jour par jour, n'est-il pas vrai ? Lorsqu'ainsi je m'inquiétais de la santé d'Adélaïde, la mienne n'était guère meilleure. Deux journées remplies par de pénibles exercices, près de 80 lieues faites en moins de 36 heures, de deux nuits, l'une entièrement perdue dans le travail d'un voyage, l'autre trop bien employée dans les jeux de l'amour, enfin, les agitations du cœur, plus accablantes cent fois que les fatigues du corps, tout cela devait avoir épuisé mes forces, aussi je n'en trouvais plus que dans mon courage et dans mes espérances. Quelque diligence que nous eussions faite, nous n'arrivâmes qu'à 7 heures du soir à Montargis, où nous ne trouvâmes pas un cheval dans les écuries de la poste. Le même malheur venait de m'arriver à Puy-la-Lande, mais j'avais forcé le postillon de Fontenay à pousser plus loin. Ici, malgré mes offres, mes prières, mes menaces, le paresseux, mille fois maudit, refusa d'avancer, et l'ordonnance à la main me fit voir que je ne pouvais en aucun cas l'obliger à passer 2 relais de suite. Pendant que mon domestique appelait tout l'enfer à mon secours, je prenais des informations. Le maître de poste me disait bien qu'en effet un homme d'un âge mûr, une très jeune fille et 2 femmes étrangères étaient venues lui demander des chevaux au milieu de l'avant-dernière nuit. Mais il ajouta qu'il ne s'était fait conduire qu'à 1/2 mile de là, dans un chemin de traverse, où ils avaient mis pied à terre. J'interrogeai le postillon qui les avait menés. Cet homme, ne pouvant m'apprendre ce qu'ils étaient devenus, offrit du moins de me conduire précisément à l'endroit où il les avait laissés. Il fallait y aller à pied. Je m'y déterminai, quoique excédé de fatigue. Hélas, je pris une inutile peine. Personne n'avait vu ma Sophie. Triste, désolé, mais ne pouvant renoncer à mon dernier espoir, je m'efforçai de me persuader que, dans la crainte d'être poursuivi, Duportail, au moyen de quelques relais disposés exprès, avait pu faire un long détour pour aller reprendre la poste quelques lieues plus loin, sur la même route. J'envoyai donc Jasmin chercher des chevaux à la poste prochaine et lui recommandai de les amener le plus promptement possible à telle auberge de Montargis que lui indiqua le postillon qui seul allait m'y conduire. « Monsieur, me dit la fille de l'hôtellerie, voulez-vous souper ? J'en aurai grand besoin. Je n'en ai pas la moindre envie. Je veux une chambre, de la lumière et qu'on me laisse tranquille. » Tranquille. Quand l'amour élevait dans son sein les plus furieuses tempêtes, quand la fièvre déjà me faisait transir et brûler, tranquille. Ainsi l'amour qui m'avait donné les plaisirs et promis le bonheur, l'amour ne me laissera que des regrets amers, des chagrins inconsolables et pour comble d'horreur, j'aurai coûté la vie à toutes celles qui m'auront aimé. Malheureux. Vengeons leur première douleur et prévenons leur dernier tourment. Prévenons leur trépas par le mien, par un suicide. Oui, ce sera le crime du sort. Immolons Faublas pour sauver ses 3 amantes. Sauvons-les en séparant leur destinée de la mienne. Du moins, je ne périrai pas tout entier. Mais mon père, qui le consolera ? Mon père, pourquoi me laisse-t-il à moi-même dans ces moments affreux ? Pourquoi souffre-t-il qu'on m'arrache ma Sophie ? Duportail, tu me la rendras, ou ton sang. Insensé ! Tu parles de le soumettre. si tu ne peux pas même le rejoindre. Et de sa retraite qu'il dit impénétrable, Lobzinski brave tes menaces, impuissante comme tes recherches, c'est à toi de mourir. » La voilà, cette lettre où mon injuste beau-père lui-même annonce ma tragique fin. Je retombe sur le sinistre passage. Il doit, s'il n'attend pas lui-même à ses jours, tomber par le fer ennemi. Il doit périr avant le temps. Barbare ! Tes prédictions sont des ordres que je vais accomplir. Mais toi-même, tyran farouche, tu ne pourras me refuser quelque pitié quand tu verras qu'avant d'exécuter l'arrêt fatal, je l'ai presque effacé par mes pleurs. Oh, mon père ! J'oubliais ainsi mes promesses. Un des pistolets que vous m'aviez rendu venait d'être posé sur une même table à côté de la lettre de Duportail. Je trouvais je ne sais quel affreux plaisir à contempler l'un près de l'autre l'arrêt et l'instrument de ma mort. Plongé dans le dernier accablement du désespoir, je n'éprouvais plus ni combat, ni remords, ni terreur. Mon heure, peut-être, était venue. Tout à coup la porte s'ouvre, et qu'on devine qui se précipite vers moi, qu'on devine qui je presse sur mon sein, qui me prodigue ses caresses, qui j'accable de mes remerciements. « Regarde, me dit-elle, tu me donnes volontairement les plus grands chagrins, et j'accours pour consoler tous les tiens. Dès que tu le peux, tu m'échappes, et je ne me lasse pas de venir à toi la première. Un moment, peut-être, vous avez espéré que j'embrassais la plus chérie des trois. Hélas, non, Sophie ne m'était pas rendue. Mais je retrouvais cette femme, presque autant que la mienne, jeune, jolie, sensible et malheureuse, je retrouvais Madame de Lignolles. Vous connaissez mes impatiences et son étourderie, ma prompte ardeur et ses vivacités. Doucement serré dans ses bras, pouvais-je encore songer à m'endormir d'un éternel sommeil? Une autre envie que celle de la destruction faisait déjà bouillonner mon sang, et la fièvre du désespoir tournait tout entière au profit de l'amour. Tout le monde sait en quel mauvais état se trouve ordinairement le meuble principal qui garnit toujours la chambre d'une auberge. Or, qui se chargera d'excuser la comtesse et le chevalier qu'un même désir entraîna sur le grabat le plus misérable? Je pourrais, pour leur justification commune, observer que les lits les plus chers à Morphée ne sont pas les plus agréables à Vénus. Mais cette fois, je passe condamnation sur un fait que je tiendrais secret si le fil des événements ne me forçait à le raconter. Je dirais donc qu'il y eut ici, de la part du ministre et de la victime, une précipitation également condamnable. J'avouerai que celle-ci fut, avec trop d'irrévérence, immolée au pied d'un autel qui n'avait pas même de rideau. J'avouerai surtout qu'avant de commencer le sacrifice, Faublas devait du moins fermer son entrée du temple aux profanes. Nous mourions pour la divinité dont tous les feux nous embrasaient, quand on vint nous troubler dans son culte. La porte s'ouvrit, quelqu'un entra brusquement. Une voix qui me parut avoir le double accent de la surprise et de la douleur, une voix que je crus reconnaître, laissa d'abord échapper cette exclamation toute simple. « Bon Dieu, que vois-je ? » Hélas, moi, je ne voyais déjà plus rien. Je n'avais pas même la force de faire un mouvement pour essayer de regarder celle qui venait ainsi déranger deux amants. Soit que les plaintifs accents de cette voix, toujours chère, eussent produit dans tout mon être une trop prompte révolution, ou plutôt, soit que la nature, enfin épuisée par tant de fatigues extraordinaires en si peu de jours accumulés, demeura trop faible pour supporter le dernier effort de l'amour, je tombai sans connaissance dans les bras de la comtesse, qui pour le moment, plongée dans un évanouissement d'une espèce plus désirable, se trouvait hors d'état de me secourir. Le bruit d'une berline et ses cahots rappelèrent mes esprits. Un clair de lune favorable me permit de voir, dans tous ses détails, la situation où j'étais. Je la trouvais en vérité plus douce que ma maladie ne me semblait douloureuse. On m'avait ôté les habits de mon sexe, on m'avait rendu mes habits de femme. J'étais presque couché dans la voiture sur le siège du fond. Du même côté, dans l'encoignure à droite, Madame de Lignolles, étroitement resserrée, supportait la plus grande partie de mon corps, devenu vraiment un fardeau. Ma tête appesantie reposait sur son sein. Ses deux mains couvraient mon front glacé. Mon visage, que réchauffait le sein, recevait des baisers et des pleurs. Le souffle vivifiant d'une amante ranimait le souffle incertain de ma vie presque éteinte. En face d'elle et de moi, sur le siège de devant, presque dans le coin de la gauche, un jeune homme, dont la charmante figure offrait les signes certains d'une grande altération, soutenait mes jambes sur ses genoux et, se tenant à demi courbé, s'appuyait légèrement sur les miens. Il essayait de faire passer la douce chaleur de ses mains arrosées de ses larmes. La plus fatigante des attitudes semblait ne rien coûter à son courage. Il attendait avec inquiétude, mais sans impatience, que son ami, rouvrant enfin les yeux, payât tous ses soins d'un regard. « Bonsoir, mon Éléonore. Et vous, ma... » Je me repris. « Mon ami, cher vicomte, généreux Florville, bonsoir. »« Cher vicomte, vous êtes en effet le plus généreux, le plus délicat des amis. Comment vous exprimez ma reconnaissance ?»« Ménagez-vous, » répondit-il. « Ne parlez pas, craignez toute espèce d'agitation. »« Mon domestique vous a-t-il rejoint dans cette auberge ?»« Non. »« Quoi ? Mon père et ma sœur, sans y avoir été préparés, vont me voir arriver. »« Taisez-vous. Je sais qu'ils sont à Nemours. Nous les ferons avertir demain dès le matin. »« Demain ? Où me conduisez-vous donc ?» J'ignore ce qui me fut répondu. Je retombai dans ma léthargie. Celle-ci, troublée par des rêves affreux, dura plus longtemps que la première. Il faisait grand jour et j'étais bien faible quand je m'éveillais. Je reconnus le château de Gatinois, l'appartement de Madame de Lignol, son lit, l'heureux lit où l'amant d'Éléonore avait dernièrement passé deux nuits avec elle. C'était là que maintenant Mademoiselle de Brumont languissait, accablée des peines du cœur et des douleurs du corps. À genoux dans la ruelle, un mouchoir sur les yeux, les bras étendus vers moi, la tête penchée sur l'extrémité de mon traversin, Florville, au désespoir, gémissait à ma droite. Je vis à ma gauche un objet non moins digne de pitié. C'était mon Éléonore, les cheveux épars, la pâleur sur le front, les yeux levés au ciel, la mort dans les yeux. C'est mon Éléonore qui, plutôt étendue qu'assise sur le bord du lit, disait en sanglotant « Le cruel, si du moins il ne parlait que de son épouse, mais il désire ma rivale la plus détestée. » Mais sans cesse il appelle cette Madame de B, dont je ne puis entendre le nom. Il l'appelle presque aussi souvent que son Éléonore. Hélas, je croyais n'avoir à combattre que l'amour de Sophie. Je n'imaginais pas qu'il eût pour la marquise un véritable attachement. Mais comment fait-il donc pour aimer ainsi tout le monde? Moi, je ne puis adorer qu'un homme. Je ne puis idolâtrer que lui. Quelle femme aurais-je à redouter si l'ingrat voulait payer mon amour d'un amour égal? Eh, madame, il est chez vous, interrompit le vicomte, tout à fait sorti du profond accablement où je l'avais vu plonger. Déjà vous avez sur celle que vous appelez vos rivales l'avantage d'être mère. Bientôt vous aurez l'avantage plus grand d'avoir sauvé ses jours. Il est chez vous, n'êtes-vous pas trop heureuse ? Oui, s'écria-t-elle avec transport. Ces jours que sa femme m'avait compromis, moi, j'aurai le bonheur de les prolonger peut-être et de les embellir. C'est à moi qu'ils seront consacrés, car c'est à moi qu'ils appartiendront. Oui, sauvons-les. Employons ce nouveau moyen d'être aimé, puisque tous les autres ne suffisent pas. Serrons de ce nouveau nœud les liens qui nous unissent, que dans le cœur de mon ami, la reconnaissance se joigne à l'amour, pour m'assurer une préférence d'ailleurs méritée. Sauvons-les. Mais le pourrais-je? Si le mal fait toujours de nouveaux progrès? Si cette fièvre a des redoublements? Ainsi, dans sa douleur, Madame de Lignol m'éclairait sur les dangers de mon état. Ce que je prenais pour une léthargie, c'était l'assoupissement de la fièvre. Ce que j'appelais mes rêves, c'était un véritable délire. Cependant, j'étais excessivement las, et pour me procurer quelque soulagement en changeant de posture, j'essayais de me mettre sur mon séant. Mes deux gardes, au mouvement qu'elles me virent faire, se jetèrent sur moi, me saisirent par les bras, et réunissant leurs efforts, me retinrent dans la situation qui m'incommodait. « Pourquoi voulez-vous quitter votre ami ?» disait la marquise. « Restez là, » cria la comtesse. « Restez là, m'entendez-vous ? » ?»« Éléonore, chère amante, je ne veux pas m'en aller, sois tranquille. »« Ah, » dit-elle en m'embrassant, « tu me reconnais donc. »« Bah, j'aurai bien soin de toi. Bah, tu ne manqueras de rien. »« Et vous aussi, prenez courage, ma généreuse amie. » »« Il est encore dans le délire, » interrompit Madame de Lignol. « Au contraire, » répondit la marquise, « je le crois tout à fait revenu. » C'est au vicomte qu'il adresse la parole. Et pourtant, c'est toujours à la comtesse qu'il parle. C'est moi qu'il regarde et c'est vous qu'il voit. Plaignez-vous, plaignez-vous donc. Mon cher Florville, quelle heure est-il ? Midi. Midi ? Comtesse, avez-vous fait avertir mon père ? Avez-vous envoyé savoir des nouvelles de ma sœur ? On devrait déjà être revenu, me répondit-elle. À l'instant même, nous entendîmes du bruit dans le corridor. C'était la fleur qui revenait de Nemours. La comtesse courut lui ouvrir la porte de son appartement, qu'elle referma dès que le domestique fut entré. Il avait vu M. de Bellecour. Ma sœur se portait beaucoup mieux. Mon père viendrait dans la soirée faire une visite à Madame la comtesse. « Fort bien, la fleur, lui dit-elle, mais ne montez pas. » Julien, à qui j'avais ordonné de monter à cheval pour aller à Paris informer M. de Lignol de notre arrivée ici, Julien est-il parti tout de suite ? « Avant 2 heures du matin, madame. Bon, mon cher, laissez-nous. Écoutez donc, la fleur. Prenez cet argent, soyez discret. Envoyez-nous promptement M. Dépesse, qui doit être resté là-bas. » Ce M. Dépesse ne se fit pas attendre. Il me tâta le pouls, regarda mes yeux, me fit tirer la langue, et prononça hardiment qu'il n'y avait plus la moindre apparence de danger. Seulement, il ajouta que la malade avait besoin de repos. La comtesse, dans le transport de sa joie, sauta au col du médecin, qui fut embrassé d'abord, puis renvoyé. Madame de B., depuis quelques minutes, paraissait livrée à de sérieuses réflexions. Elle rompit enfin le silence, pour donner à Madame de Lignol un conseil qui n'était pas absolument désintéressé. « Heureusement, dit-elle, il n'est plus nécessaire que nous restions tous deux auprès de lui. Madame la comtesse ne ferait-elle pas bien de se jeter tout habillée sur le lit de camp dressé dans le cabinet ?»« Mais vous-même, monsieur, quant à moi, rien ne presse, » interrompit le vicomte. « Je suis visiblement moins accablé que vous. D'ailleurs, j'aurai tout le temps cet après-dîner. Vous, madame, il faudra que vous receviez la visite du baron. » La comtesse déclara qu'elle ne me quitterait point, et je crois que les adroites sollicitations de la marquise auraient été perdues si je ne les avais appuyées de mes plus vives instances. Encore, Madame de Lignol ne nous obéit-elle qu'après nous avoir fait promettre que nous ne la laisserions pas dormir plus de 2 heures. Il y eut quelques moments de silence et de calme, après quoi le vicomte me quitta sans bruit, fit sur la pointe du pied plusieurs tours dans l'appartement, regarda sous je ne sais quel prétexte à travers les vitres du cabinet où reposait la comtesse, puis revenant prendre au chevet de mon lit sa place accoutumée. « Elle dort, » me dit-il à mi-voix. Et d'un air inquiet, il ajouta, « Chevalier, j'ai 1000 choses à vous dire, mais gardez-vous de m'interrompre, ne vous fatiguez pas, écoutez seulement. » Ici, Madame de B., s'étant un instant recueillie, prit une de mes mains, qu'elle retint dans les siennes et me regarda tendrement. « Ah !» reprit-elle enfin. Voyez si je n'ai pas raison d'accuser le sort. Moi, qui depuis 6 mois est pour toujours condamné au repentir, à l'indifférence, au regret, ne voyez plus qu'une consolation possible, celle de contribuer, du moins en quelque chose, à vos félicités, je viens de faire tous vos malheurs. Je sacrifierai pour mon ami ce que j'ai de plus cher, et c'est par moi qu'il a perdu ce qu'il chérit le plus. Suis-je assez malheureuse? Depuis longtemps, vous ne devez plus m'aimer, Faublas. Désormais, vous allez me haïr. « Ne plus vous aimer ? Parlez donc plus bas, » interrompit-elle, « ou plutôt ne parlez pas. Ne parlez pas, mon ami, cela vous agite, cela vous fait mal. Faublas, vous allez me haïr, » répéta-t-elle d'une voix tremblante. Et comme elle me vit prêt encore à l'interrompre, elle se hâta d'ajouter, « Mais non, non, vous seriez trop injuste. Faublas, puisque vous ne désirez point me trouver coupable, répétez-vous, pour ma justification, ce que je vous ai dit dans la forêt de Compiègne. Ah, votre ami ne s'en défend point. Pour qu'elle se trouve un peu moins à plaindre, il lui importe que vous ne conserviez contre elle aucune espèce de ressentiment. Oh, vous qui m'êtes cher, croyez-moi, je ne conserve que le souvenir d'une générosité, d'une délicatesse à laquelle on ne peut rien comparer. Et le dirais-je, d'un homme, je l'aurais dit, mais la marquise craignit apparemment de l'entendre, elle me coupa brusquement la parole. D'une amitié qui ne finira qu'avec la vie. Je comprends. « Mais ne parlez pas, Faublas. Craignez, je vous le répète, toute espèce d'agitation. Laissez-moi parler seul. Laissez-moi la douceur de vous apprendre combien je me suis occupé de vous depuis notre séparation dans la forêt. » Tourmenté de la crainte de ne pouvoir plus empêcher le cruel événement que je redoutais, je me suis hâté d'arriver du moins assez tôt pour vous offrir les soins de l'amitié. Elle ajouta d'un ton bien triste. « Il est vrai que je prenais une inutile peine. L'amour déjà vous consolait. » Une femme plus chérie. Plus chérie? N'affirmez pas cela, car en vérité, je ne sais qu'en penser moi-même. Quoi? Répondit-elle, en affectant de prendre le change. Vous n'aimez pas Madame de Lignol autant que Sophie? Autant que Sophie, non, sans doute. Ni Madame de Lignol, ni... Je crois que j'allais dire ni Madame de B., elle m'en empêcha. Chevalier, Faites-moi grâce des détails, et tenez, je vous en prie, qu'il ne soit jamais entre nous question de cette rencontre. Cependant, permettez... Je ne permets rien. Vous ne parlerez plus de cette aventure si vous conservez pour moi quelque... La marquise un moment s'arrêta pour chercher l'expression convenable. Ce fut le mot estime qu'elle prononça d'abord. Elle ne le hasarda qu'après, et d'une voix tremblante et d'un air presque humilié. Oui, j'ai pour vous beaucoup d'estime, beaucoup de respect, beaucoup d'amitié, je vous entends, n'achevez pas. Faublas, me voilà pleinement récompensé. Il ne manque plus à ma tranquillité que la certitude de votre entier rétablissement. Vous avez beaucoup trop parlé, reposez-vous, tâchez de dormir, ne fût-ce qu'un quart d'heure, je vous en prie, je le veux. Je voulus parler, mais pour m'empêcher, elle posa sa main sur ma bouche. Je pris cette main, toujours douce et jolie, je la serrai, je la baisai, je la mis sur mon cœur vivement ému.